Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Duprès 1862. Question 13. Du blasphème, péché opposé à la confession de la foi. Notion de ce péché, sa gravité, il est le péché des démons. 1. Le blasphème est-il opposé à la confession de la foi? Le blasphème est un péché opposé à la confession de la foi, et, par ce côté, il rentre dans l'infidélité. Pour comprendre cela, il faut considérer que le mot blasphème implique une atteinte portée à une bonté excellente, et spécialement à la bonté divine, qui est la bonté par essence. Refuser à Dieu ce qui lui convient ou lui attribuer ce qui ne lui convient pas, qu'est-ce autre chose qu'attaquer la bonté de sa nature? Or ce péché peut se produire de deux manières, par la seule pensée de l'esprit et par la parole unie à la pensée. Reste-t-il caché dans l'âme? Il est un blasphème du cœur. Se produit-il à l'extérieur par la parole? C'est le blasphème de bouche opposé à la confession de la foi. Note. Blesser la bonté divine en parlant contre elle avec l'intention d'outrager Dieu, voilà le blasphème complet, qui atteste en même temps la perversité de l'intelligence et de la volonté. Observons que le blasphème contre les saints ne laisse pas que de retomber sur Dieu, auteur de leur sainteté. Attribuer aux créatures ce qui n'appartient qu'à Dieu est encore une parole de blasphème, qui semble marquer que Dieu est la même chose que la créature. Fin de la note. 2. Le blasphème est-il toujours un péché mortel? Le blasphème est, dans son genre, un péché mortel. Il est aisé de le prouver, d'abord, par l'ancienne loi, où il était dit, « Celui qui blasphème le nom du Seigneur sera puni de mort. » Lévitique 24, 16. La peine de mort n'est infligée que pour un péché mortel. La même vérité se démontre par cette autre raison, que tout acte qui répugne à la charité est un péché mortel. Le blasphème tend à détruire la bonté divine, objet de la charité, donc il répugne à la charité, donc il est, de sa nature, un péché mortel. Note. Par ces expressions, péché mortel dans son genre ou péché mortel de sa nature, les théologiens entendent que ce péché, lorsqu'il réunit tous les caractères propres à sa nature, est mortel, il ne s'ensuit pas qu'il le soit toujours. Certaines circonstances qui font défaut le rendent souvent véniel. Le blasphème est défendu, comme l'infidélité, par ces paroles du premier commandement, « Je suis le Seigneur votre Dieu », etc., et par ces autres du second, « Vous ne prendrez point le nom de votre Dieu en vain ». Blasphémer dans un emportement, sans délibération, par des paroles à la signification desquelles on ne songe point, est un péché véniel. Cet acte ne constitue pas précisément le péché de blasphème. Fin de la note. 3. Le blasphème est-il le plus grand des péchés? Comme contraire à la confession de la foi, le blasphème a par lui-même la gravité de l'infidélité. Il y en ajoute une autre, s'il est accompagné de haine dans la volonté, une autre encore, s'il se produit extérieurement par la parole. L'infidélité étant le plus grand des péchés dans son genre, il en partage l'énormité, et, ce qui est plus, il l'augmente. 4. Les damnés blasphèment-ils? Il est écrit, les hommes, dévorés par une chaleur excessive, blasphémeront le nom du Seigneur. Apocalypse 16, 9. Les damnés ne cessent point d'aimer les péchés pour lesquels ils sont punis. Ils voudraient les commettre encore s'ils le pouvaient, quoiqu'ils abhorrent les châtiments que ces péchés ont attirés sur eux. S'ils vont jusqu'à les déplorer, ce n'est pas qu'ils les détestent comme péché, c'est à cause des peines endurées. La perversité de leur volonté déteste intérieurement la justice de Dieu par le blasphème du cœur. Après la résurrection, ils blasphémeront vraisemblablement en parole pendant que les saints chanteront les louanges de Dieu. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.